ce ciel sombre qui s'abat. Voyez ces visages qui ne vont pas. Une époque de tourment continuellement contre le renouvellement. Comme seul modèle tolérance, pénible est l'Europe vers le bas. Mais viens maintenant l'heure de l'abondance, féconde au creux de ta main. Vous avez aimé la France, France, dans sa grandeur d'autrefois. Redonnez-nous sa prestance blanche et repeuplez-la de vos reins. Ne me laissez pas la France, France, pas dans cet état-là. Et notre mission, mes braves blanches, c'est de beaux enfants pour demain. Comme l'aurore est si belle, belle, se lève au petit matin. Une naissance qui nous émerveille, ravive l'Occident de demain. Redonnez-nous sa prestance blanche et repeuplez-la de vos reins. Mais notre mission, construire les branches de l'arbre qui protégera les miens. Quand les cigognes en cadeau m'apportent mon très petit tout petit moi, nous, parents d'un trésor d'Europe, baignons dans une immense joie. Il n'est pas sacré, Dieu n'existe pas, mais il est bien plus que ça. La force, le savoir qu'il obtiendra, grandissant, il dominera. Ses propres ailes, il se sépara de mes bras. Il rencontrera la belle, celle qui pour toujours le soutiendra. Et ils rentreront dans la danse, danse de ceux qui s'aiment et qui y croient. Et garantissent leur descendance qui jamais ne disparaîtra. Comme l'aurore est si belle, belle, il se lève au petit matin. Une naissance qui nous émerveille, ravive l'Occident de demain. Redonnez-nous sa prestance blanche et repeuplez-la de vos reins. Mais notre mission, construire les branches de l'arbre qui protégera les miens. Venez écouter la fréquence blanche et dégustez-la comme du bon vin. Mais n'oubliez pas, mes braves blanches, faites de beaux enfants pour demain.